C'est fou, ça. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Tech Me Out. Et on appelle les moustachus pour les réveiller et leur parler de leur pilosité à assemblage requis. Lundi 22 novembre 2010, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios 6 fois à Trois-Rivières. Élu, c'est François-Olivier Marchand. Élu, c'est Mathieu Plante. Bonjour Mathieu, est-ce que t'as passé une belle fin de semaine? Ça va. Là. Correct. Ah, il n'y a rien qui marche ce temps-ci pour moi, mais c'est pas grave, on a du plaisir quand même, tu sais. Ah ben écoute, je pense que je m'en viens te rejoindre dans ton clan, qu'il n'y a rien qui marche. Ouais, hier, j'ai eu une belle surprise. En fait, ma laveuse m'a complètement laissé bredouiller. Quelle mauvaise nouvelle, ça. Et tabarouette, c'est l'enfer. Moi, c'est mon ordinateur. Toi, c'est ta laveuse. La technologie de nos jours, hein. Que voulez-vous? Ben oui, que voulez-vous? Plein d'affaires, ça. Donc, aujourd'hui, l'émission, oui, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique de sortie spectacle, de différentes choses à faire en région et ailleurs. C'est Take Me Out, ça se passe vers les 8h30 tout à l'heure. J'ai dit aussi qu'on allait appeler des moustachus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va... Ben, en fait, au début du mois, on a appelé des personnes, des hommes. Surtout des hommes, Surtout des hommes, pour qu'ils se fassent laisser pousser la moustache. Pour tout le mois de novembre. C'est le Movember. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est pour le cancer de la prostate. Les hommes se font laisser pousser la moustache pour montrer leur appui pour le cancer de la prostate. Et puis là, en fait, ce matin, on va les rappeler parce que quand on les avait appelés la première fois, là, on leur avait dit, on va vous rappeler au courant du mois de novembre, on vous dira pas quand. L'idée, c'était un peu de réveiller aussi, donc je pense que lundi matin... On veut réveiller le plus de fois possible. Oh, ouais. Ben, lundi matin est pénible pour nous, donc devrait être pénible pour eux. Si on doit souffrir, vous devez tous souffrir avec nous. C'est pour ça qu'on fait une mission de mal. Ouais. Ouais. Mais là, à savoir s'ils vont répondre, par exemple. Ouais. Ça va être un autre. Ben, ils connaissent notre numéro, ils nous ont vu appeler une fois. C'est ça qui arrive. C'est ça qui joue en notre défaveur. C'est pas dur à noter, là. Non. On verra tantôt. Tantôt, mais pas trop tard. Non. Écoute, qu'il y a un prix à payer pour se laisser se faire. Laissez pousser la moustache. C'est ça. Et ce prix-là s'appelle 7h30. On va commencer l'émission avec un bloc composé de You Say Party avec la pièce There Is Love Within My Heart. Mais on commence avec Winter Gloves. Winter Gloves. Sortez vos mitaines, vos gants d'hiver parce que il fait froid ce matin. Il y a de la neige et c'est très, très glissant. Ah, la glace partout, hein? Et ça, c'est l'enfer pour rien. Un matin, limite, c'est dangereux. Oui. Mais je suis chanceux, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais... j'imagine qu'à l'heure de pointe, là, si ça dégèle pas tant que ça, là, ça va être le fun, ça va être une patinoire. Nous, on est comme vraiment pas à l'heure de pointe le matin. Hein. Vraiment pas, c'est vraiment tranquille en fait. C'est agréable ça, par exemple. Oui. C'est un des bons côtés. Le seul. Winter Loves Factories, sur C'est fou. Believe miraculously could keep me safe. when the morning comes, and I don't wanna face the daylight. When the morning comes, and I can't make my body rise. When the morning comes, and the darkness presses on all sides. When the morning comes, I have to fight. Now I have cried my share of tears in the night and felt the emptiness deep inside. Then a beautiful bird soared into my life, and with wings outstretched it flew straight into my heart. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est Party et la pièce There is Love Within My Heart, c'est de Winter Gloves avec Factories, assemblage requis. Très bon bloc, ça commence bien la matinée. En force! En force, tout à fait. Hey, Mathieu, je te parle de Lucuteur qui désire s'installer à Drummondville et non pas de déménager à l'université, mais bien de se construire un nouveau. Comment je pourrais dire ça? Un nouveau campus. Ouais, ok. Un nouveau campus là-bas qui pourrait voir le jour soit en 2013 ou peut-être même en 2012. En fait, on dit peut-être parce qu'ils restent à examiner la faisabilité financière du projet et à obtenir l'approbation du ministère de l'Éducation. En fait, c'est deux prérequis là, pour pouvoir vraiment dire que le projet est lancé. On parle du campus comme étant en fait un campus qui regrouperait des cours d'éducation, d'administration, de sciences comptables, d'informatique, de travail social, sciences infirmières et certains secteurs de génie. En fait, ils précisent pas nécessairement c'est lesquels. Ils prévoient d'ailleurs que le campus pourrait en fait qui regroupe 1000 étudiants équivalents à temps plein. En fait, ce qui est très bon, et ça dans un horizon de 5 ans. En fait, ils parlent même de, je pense qu'ils savent même en fait l'emplacement de la bâtisse. Elle serait localisée très près de l'autoroute 20, question de visibilité et d'accessibilité pour l'université. Donc voilà, on parle en fait d'un projet d'un investissement d'un peu plus de 14 millions. Donc, je pense que en fait, les jeunes, les acteurs principaux de la région sont tout à fait d'accord avec ça, dans le sens qu'ils disent que engendrer la rétention des finissants dans la région. Et puis, ils voient aussi le nombre d'emplois exigeant un diplôme universitaire qui est aussi en hausse. Donc, voilà. On suit ça. Ça a été annoncé. Oui, tout à fait. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. Ouh, ben, Colin, c'est le fun. Mathieu Tousignan Plante, excusez-moi. Ouh, ouais, c'est ça. Hey, c'est le moment de parler de moustache. Moustache. Vas-y, mets ta moustache! C'est le moment d'appeler un autre de nos moustachus remplis de pilosité. Vous savez qu'il y a 3 semaines environ, on a appelé plusieurs personnes, 5-6, je pense. 5-6, à peu près. Qu'est-ce? Ouais, il y a 3 semaines. Ok, je pensais que tu parlais de la semaine dernière. Non, c'est ça. Bon, on les a rappelés. On a rappelé 2 personnes. Ça répondait pas. Non, c'est ça. Hein? Ça répondait pas tant que ça. Ça répondait pas. Là, on va l'essayer. Écoute, je pense que là, ça devrait être bon, dans le sens que c'est lundi. Et puis, il y a de bonne heure, donc... OK, ça pourrait avoir des chances de marcher. Les gens vont pas nécessairement regarder leur afficheur. C'est ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce qu'on appelle cette fois-ci pour commencer? Alexandre Lapointe. Alexandre Lapointe, qu'on a appelé il y a environ 3 semaines de ça pour lui demander de se laisser pousser la moustache. On va voir si ça sonne. Je te laisse aller. C'est pas une surprise, en fait. Oui. Ouais. Ben, dans le sens qu'il peut-être qu'il dort encore. OK. On espère qu'il va répondre. Allô? Bonjour, Alexandre. Oui. Ça va bien? Oui. Oui. Hey, Alex, c'est Mathieu et François-Olivier de Assemblage Reiki. Ça va bien? Ouais. Ouais, écoute, on te dérange-tu? Ouais, j'ai envie de déjeuner, là. OK, bon, ben, c'est merveilleux. Écoute, on est très contents de te déranger. Écoute, on t'appelle concernant ta moustache. Ouais, ça avance. Ça avance, ouais, t'es sérieux? Ouais. OK, merveilleux, t'as pas lâché? Non. Écoute, t'as-tu hâte que le mot finisse? Ouais. Tu l'aimes pas, ta moustache? Non, il en manque un peu. Hein. C'est pas possible. Bon, écoute, merveilleux. Et, j'aimerais ça savoir si c'est ça exactement. Si tu pouvais prendre une photo? Ouais. De ta moustache et nous envoyer ça par courriel? Ouais, pas de problème. Merveilleux. Envoie-moi ça par email, puis écoute, on va te mettre sur le site internet, puis une fois que ça va être en place, je vais tout vous envoyer un courriel pour que vous allez en fait aller pouvoir voir la moustache des autres. Donc est-ce que tu me dis un mot en finissant qui finit par H? Bonne moustache. Ça finit presque par un H, ça. Oh, ouais, le son du moins. C'est correct. Merci. Ouais, merci Alex. Fait que écoute, envoie-moi ça aujourd'hui puis on met ça sur internet puis on met ça sur YouTube puis après ça on se fait actionner. Ah ouais, pas trop. Bonne journée. Salut. Salut. Salut. Vas-y, mets ta moustache. C'était Alexandre en direct par téléphone. On a réussi. 1 et 2. Mais à cette heure-là, oui, à cette heure-là. Mais de 2, oui, tout à fait. En fait, on a rejoint T-Bone la semaine dernière. Alexandre Pointe maintenant. Écoute, on appelle-tu un autre? Ouh, c'est excitant! Il y en a plein! Ouais, mais je pense que lui a lâché. Oh, il a lâché en cours de route! Oh, là, on va en avoir des scoops. Fait que tu vas appeler qui? Ouais, Sébastien. Sébastien. Sébastien en direct de Rassemblage requis pour le mois Movember sur Movember.com pour en savoir plus sur la cause et trouver des recettes de moustaches. Il y a même des applications sur l'iPhone. Oui, bien tout à fait. Ça sent. C'est peut-être de changer de coiffeur de moustache. Hein. Bon, Sébastien. C'est sûr qu'il dort. Hein. Ah ouais. Il déjeune pas, lui. En ce temps-ci. Non, je pense pas. Oui, allô? Bonjour, Sébastien, s'il te plaît. C'est moi. Bijou! Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Hey, écoute, on te dérange-tu? Un petit peu. Bon, parle-moi de ça. Hey, écoute, on t'appelle concernant ta moustache. Mm-hmm. J'ai entendu dire entre les poils de la face que, en fait, t'as dû te raser la moustache. Ouais, elle avait trop le look, Mario Dumont. Hey, lui, hein, c'est quand même. C'en est un que de la. Ouais. Ouais, ça pousse son affaire. Ouais. Ouais. Mais écoute, veux-tu nous expliquer un peu le. Le pourquoi de la chose? Le pourquoi de la chose? Parce que nous, hein, pour vrai, Sébastien, j'avais gagé sur toi en plus. Comme quoi, que, en fait, tu ne te raserais point. Et puis là, je sais plus quoi penser. Bon, tu vas être déçu, hein? Non, c'est à cause de l'emploi. Ok, et puis. Le public, fait, j'ai comme pas le choix de. De tenir ça propre. Et puis, je pense que t'as eu la grippe aussi. Ouais. Donc, ça n'a pas dû aider non plus. Là. Mais c'est ton patron qui est venu te voir, il a dit là, il faut que tu te rases parce que t'as l'air. Ben, que... ça faisait poilu, mon affaire. Là. Ouais. Non, mais je pense qu'il a fait ça avant que son patron aille le voir pour lui dire. Ah. Ah, ben, cool. Ben, merci. Puis, me la repousses-tu, non? Non. C'est derrière toi, ça. Bon, parfait. Hey, écoute, c'est glissant ce matin, Sébastien. Donc, la neige est tombée et puis maintenant, on dirait que ça gèle. Donc, je pense qu'on va se voir plus vite que prévu. Mm. Bon, parfait. Si tu tombes, fais attention, t'as pas de moustache pour retenir ta chute. Là. Ben, OK. Salut, Bijou. Merci. Salut. Bye. C'était Sébastien, ça, en direct par téléphone. Fait, puis je pense qu'on l'a réveillé. Ben, quand même, tu sais. Ça sert à ça. Ben non? Ouais. De toute façon, elle pue, hein. Il est bas. Oh, qui est cheap. Écoute, hein, les insultes. Non, mais j'avoue qu'on l'a pas brassé ben en onde, mais on aurait pu, hein? Ouais. Ben, c'est plus ton ami, là, fait que moi, j'ose pas trop, là. Ben non, mais d'autant plus que tu le connais pas, fait que t'aurais pu te gâter. Ben ouais, mais là, insulter du monde que je connais pas. Hey. Non, mais insulter, nous. C'est en autant que tu ne traites pas d'épée, là. C'est ça. Parce que... Ah, voilà, ben on appellera d'autres moustachus plus tard. Ouais, un petit peu plus tard. Ouais, un petit peu plus tard. Là, en fait, là, qui reste? Non, ça va pas. Qui reste? Il reste Jean-Philippe Payotte. Il reste Guy? Qui d'autre? Je sais pas. C'est tes amis, hein. Je me rappelle pas de leur nom. T'as peut-être Thibon, Sébastien, Alexandre, Jean-Philippe. Et... Nicolas, je sais qu'il y avait Nicolas Duchamp. Ouais, Nicolas, ouais, c'est vrai. Ouais. Nicolas, on a essayé de l'appeler la semaine dernière aussi, puis non. Je pense, mais lui, il a compris très bien le concept, puis il voit le numéro, et puis tout simplement ne répond pas. Donc, tu dis pas le conseil aux gens. Aux gens aussi. Ouais, non, mais de toute façon, s'ils nous écoutent, ils répondront pas. Aha! Juste Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On fait des coups de téléphone, on est vraiment pas gentils. Ah, Colin, qu'on est pas fin. Hein? On écoute André, voici Ta main forte et puis on se retrouve après tout à l'heure. Yeah. 9h à C'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. La pièce du maxi de Vanessa Parietar, Canicule et Ours Polaire. Canicule et Ours Polaire. C'est bon, beau, hein? C'est bon, c'est bon, j'aime ça. C'est bon complet, ça, Vanessa Parietar. Ouais. Du début à la fin. Un vrai fan. Oh oui. Ce Mathieu Plante. Mm-hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça n'a pas rapport, par exemple, Canicule aujourd'hui? Non, pas tant. Mais Ours Polaire, par contre. Ours Polaire. Vois, c'est ça l'affaire, là. C'est la con. Hein, c'est comme un grand petit puis un gros mince, tu sais. Un grand petit? Un grand petit puis un gros mince. Puis un noir blanc. Hein? Un noir blanc, tout à fait. Écoute, c'est ça. C'est ça. Yeah. Et, des choses qui se contredisent, François. Olivier Marchand. Non? Pas tant? Pas vraiment. Est-ce qu'on change de sujet? Oui. OK, on va parler de choses complètement utiles à savoir. Voici la chronique, c'est un fait. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je pense qu'on pourrait dire comme ça. Hein? Tout à fait. En fait, c'est un peu comme ça qu'on dit depuis toujours, là. Hein? C'est bon. Je fais comme si je venais d'inventer une expression. Savais-tu que si un arbre était planté pour chaque Coca-Cola vendu, on aurait, oui... On n'aurait pas de problème d'arbre. On aurait reforesté, si on veut, la terre en 3 ans. En 3 ans? En 3 ans. Mais je comprends pas. Il me semble que c'est pas dur de planter un arbre. Non. Moi, dans le sens que je peux pas, parce que je suis en loyer... Mais je te garantis que dès que j'ai une maison... Plante des arbres. Pourquoi ne pas le faire? Tout à fait. En même temps. Tout à fait. C'est ça. C'est un investissement dans le futur, là. Tout à fait. Puis au pire des pires, écoute, s'il est mal placé, n'importe quoi, tu as toujours l'option de le couper. Ouais. Le déplacer, ça se déplace. Ouais, ouais, tout à fait. Sauf quand il est immense. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est mais pas ça, est-ce qu'il va être grand comme ça dans ta vie, à toi? Ça va vite, par exemple. Ça dépend. Il y a des sortes, là. Mais il y a des arbres là, que ça va très vite. Moi, j'avais planté un arbre. Écoute, je te raconte une petite histoire personnelle. Tranche de vie. Oh. Qui est touchant, soit dit en passant. Mm-hmm. Tu vas voir, c'est sucré. C'est du bonbon à l'oreille. C'est Guy Jodoin à souhait. Ouais, tout à fait. Donc, t'es prêt? Oui, oui. Ouvre grand ton cœur et tes oreilles. OK. Regarde-moi avec tes yeux attendrissants. Comme toujours. Bon, je vais te dire, mon histoire. Droit au but. Hey, écoute, je reviens d'école. C'était dans le temps, là. Écoute, je sais pas exactement quelle date. C'est la date des hélicoptères. Tu sais quoi, là? Les petites choses qui tombent des arbres en virevolte. C'est ça, exactement. C'est quand, ça? Je pourrais pas te dire. Printemps, peut-être? Peut-être. Printemps, autant. En tout cas, je sais pas. C'est ça, là. Je reviens d'école. J'en vois une. J'en pogne une. Je la plante. Tu sais, je suis même pas rentré chez nous. Je la plante. Je creuse un petit trou de rien. Mets ça là. Ouais. Et puis mon arbre, là, présentement, là, il doit mesurer. Pour vrai, c'est le plus grand de toutes les arbres. Dans l'arrière, parce que ma mère, en fait, je l'avais planté en avant de chez nous. Mmh. Ma mère l'a transféré, transplanté, excuse-moi. Transplanté. Transplanté. Dans le fond de la cour. Et puis là, pour vrai, il est rendu énorme. Wow. Énorme. Donc, c'est mon arbre. C'est le fun. Hein, si tu attendrissais un peu. Le FO. Ah. Je l'ai pas surnommé cet arbre-là, mais souvent, là, en fait, l'hiver, je vais pas le voir parce que c'est comme loin, puis souvent, j'ai pas de bottes, là, mais l'été, je vais le voir au moins une fois par an. Wow. Je fais comme, hey, c'est moi qui ai planté ça avec une affaire comme ça, grand même. Pas d'entretien, rien, là. Est-ce que s'il fait des menaces, c'est moi qui t'ai mis au monde, ça va? Ah, regarde-moi pas de même. Ah non, mais pour vrai, il est très très haut. Marmonne pas. Tu viendras le voir cet été, Mathieu. Ok. T'es fin. Prends en photo, tu mettras ça dans ton portefeuille. Tu checks, c'est mon arbre. Tu connais la série télé Batman? Vaguement, c'est les années 60. C'était correct, j'écoutais ça souvent. Ben, une des très bonnes émissions, je trouve. Robin utilise la phrase holy, tu sais, il dit tout le temps holy quelque chose, genre. Holy shit. En français, comment il dit ça? Sacré quelque chose, sacré bleu. Ouais. Sacré bleu, bon. Est-ce que c'est tout le temps la même en français, est-ce que tu t'en rappelles? Moi, je me rappelle vraiment ça pas. Long, hôtel. Mais en anglais, il y en a au-dessus de 350 différentes. T'as pas droit, ok. De holy agility à holy Zorro. J'aime ça. The Last Man in Europe était un des titres que George Orwell avait considéré avant de choisir 1984. Tu sais, le film sur Big Brother et la surveillance, etc. The Last Man in Europe, le dernier homme d'Europe. Une allée de bowling à deux voies a été installée à la Maison-Blanche en 1946. Allée de bowling à deux voies, en fait, ouais. Comme deux allées de bowling? Genre, c'est ça. A été installée en 1947 à la Maison-Blanche. C'était un cadeau d'anniversaire pour le président Truman. Ah Ben, c'est cool d'être encore là. Mais ça, je sais pas, par ça exemple. Doit. Bonne question. Mais maintenant, dans les résidences de personnes âgées, on en voit plein dans les annonces là, oui. Pour attirer les. Ben, c'est une bonne idée, ça. Moi, tant qu'à jouer à pétanque, les quilles, c'est le fun aussi. Ah. Tu diversifies ton offre. Oh, ouais, c'est tout à fait. La valeur ajoutée. Et puis, toi, là, le vieux plante. Ça peut être dangereux. On se pogne aux quilles. Ah, OK. OK. Ça, ouais. Ça pourrait être cool. Ça pourrait casser des orteils. On s'en va dans une couple d'années, Mathieu, okay. À côté d'un arbre. Puis d'un arbre. Ouais, mais là, ouais, un va être dur à faire. ça dépend, peut-être qu'ils vont inventer les alquets dehors à l'extérieur. Peut-être. Mattel offrait des remboursements pour sa poupée Cabbage Patch Doll Snack Time. J'ai rien compris de ce que t'as dit. OK, tu sais, les Cabbage Patch Doll, c'est des poupées Bouchou. OK? Okay. Les Bouchou, ça va jusque-là. Ouais, ouais. Ouais, il y avait une version Snack Time. OK? Ça, elle s'appelait Snack Time. La poupée mâchait, donc tu mangeais, tu pouvais lui faire manger des affaires, je sais pas qu'est-ce qu'il venait avec son biscuit, quelque chose du genre. La poupée, elle faisait. Mais en fin de compte, ça arrachait les cheveux d'enfant. Donc il a fallu qu'il rappelle cette poupée-là pour la ramener à la compagnie. Ouais, les jouets pour enfants, en fait, ça a l'air d'être compliqué dans le sens que t'as beaucoup, beaucoup de réglementations. Mm-hmm. Des petits morceaux. Ce truc-là. Faut que ça soit testé, blablabla. Hey, tu vas être surpris, j'ai un fait sur les arbres. T'as fait exprès, mon coquin. Ben, okay. Sais-tu que l'arbre le plus grand du monde mesure 379,1 pieds de haut? Et ta paroi, 300, oh. C'est long. Oh. Combien de pieds dans un mille? J'en ai aucune idée. Dans un mille, ben là, je sais pas, mais si, en fait, dans un mètre, t'as 3 points... C'est déjà long, tu vois. Le Redwood de Californie, qu'on appelle Hyperion, fait 9 pieds de plus que l'ancien record dans les arbres, qui était un autre Redwood, qui s'appelait Stratosphere Giant, le géant de la stratosphère. Ah, moi, les conversions de mesure, là, oublie-moi là-dedans, tout de suite. Attends, répète-moi ça, là, t'as combien de... 379,1 pieds. Tu vas te convertir ça en mètres, puis après ça, tu vas y aller sur le système Evida des mètres vers kilomètres ou... Alors quand les pieds, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Tu connais peut-être la chanson à succès de Chris Brown, Forever? Non? Forever, Chris Brown? Non, je connais pas. D'accord. C'est 115 mètres à peu près. Super. 115 mètres, c'est quoi? C'est 115 mètres, c'est énorme. C'est ça. Oui, j'en suis convaincu. La chanson donc Forever de Chris Brown, ça a commencé comme un jingle pour une marque de gomme Balloon. C'est pour ça qu'une des paroles en chanson fait référence au slogan de Double Mint Gum. Tu connais la gomme Double Mint? Non, ben Joseph Root. Ouais, c'est la même compagnie, ouais. Mais il y a Double Mint aussi, c'est vraiment juste une gomme à la menthe. Puis ça dit tout le temps genre Double Your Pleasure, Double Your Fun. Je sais pas, j'ai pas leur slogan. Bref, il y a ces paroles-là dans la chanson de Chris Brown. En 2008, on a demandé à Brown d'enregistrer une version moderne du jingle adoré par les Américains. Le slogan qui a commencé dans les années 60. Il a ajouté plus de paroles après ça et a produit un single, donc une chanson complète qui est devenue un succès. Ça fait partie d'une campagne par Wrigley, la compagnie de la gomme, évidemment. En plus de Brown sur Double Mint, il y a la chanteuse country Julian Ho et l'artiste R&B Neo qui ont enregistré leur propre version des chansons thème de Juicy Fruit et de Big Red, la gomme à la cannelle. Tu la connais, celle-là? Big Red à la cannelle, non? Ben, Big Red, oui, celle-là, c'est je la connais. C'est très, très fort. Oh, oui. Mais ça goûte pas très, très longtemps. Non, c'est ça. Mais quand ça goûte fort. Oh. Sais-tu que on va y aller avec de la classe ici ce matin à l'assemblage requis? Le son de pet, on va dire de paix, est causé par des vibrations dans le nu. Des vibrations dans le nu. Peut-être moins clair. Des vibrations dans l'anus. Non, merci. Bon, prends des notes. Écris ça sur ton clavier. Là. La variété de son peut être... la variété de son qui peut être produite dépend de deux facteurs. La vélocité du gaz qui quitte le corps et, la et les muscles de ton sphincter, dépendant comment ils sont serrés à ce moment-là. C'est bien, hein? C'est bien. C'est... bien. Non, n'essaie pas. C'est bien. On avait de la classe jusqu'à maintenant. On en a encore. Elle n'est pas partie très loin. Ah, ça dépend de la vélocité. En 1980, le coyote a enfin attrapé le Roadrunner. Est-ce que tu savais ça? Tu savais pas ça, hein, moi là, non plus. Okay. Ben, dans un épisode en 1980. En 80. Il demande au public, tu te rappelles, Wile E. Coyote, avec ses pancartes, demandait toujours des questions au public. Il demande au public, maintenant, qu'est-ce que je fais? dans cet épisode-là. Donc, en 1980, l'épisode s'appelait Super Sonic. 31 ans après le début des dessins animés de Roadrunner, Wile E. Coyote attrape enfin l'animal. Il tient une pancarte qui dit « Bon, d'accord, les petits futés, vous vouliez que je l'attrape, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ?» C'est ça. Donc, dans l'épisode, Wile E. Coyote était rapetissé. Je sais pas comment il s'est fait rapetisser, mais bon, il a attrapé un gigantesque Roadrunner d'une façon ou d'une autre. Saviez-vous aussi que Wile E. Coyote pouvait parler dans les dessins animés? Non, moi je savais pas. Moi non plus. Donc non seulement il tient des pancartes dans ses mains pour parler la plupart du temps, mais dans certains dessins animés, surtout dans ceux où il essaie d'attraper Bugs Bunny, comme dans Operation Rabbit. Ça, tu vois, je savais même pas qu'il y avait des épisodes où il essayait d'attraper Bugs Bunny. Me voilà impressionné. Donc il réussit à parler avec un accent britannique et il parle de lui-même comme étant Wile E. Coyote super génie. Pas mal, hein? J'en apprends des choses. Il y a déjà eu un renversement de bière en 1814 qui a tué 9 personnes. Ouais, c'était dans Homer Simpson aurait été content. Et Colin, et qui d'autre? Tout le monde, je pense. Oh, ouais. Non, bon. Ben, pour mourir, en tout cas, j'ai hâte de connaître la suite, là. Ouais. Donc, c'est, comment t'appelles ça? Une brewery? Une brasserie. Une brasserie, voilà. Donc, à Londres, une espèce de tank là, qui tient la bière à Londres. Il y avait 3500 barils de bière là-dedans. Et il y a eu une cassure, si on veut, qui a causé un gros renversement à St. Giles. 9 personnes sont mortes, 2 maisons ont été détruites. Deux maisons? Deux maisons. C'est énorme. C'est lourd, la bière cachée là-dedans. Hein? Je pourrais pas te dire. De façon similaire, un renversement de melasse à Boston en 1919 a causé la mort de 21 personnes. Ah, il y en a qui sont pas chanceux. De la melasse. La melasse. Savais-tu qu'avant de travailler sur Avatar, l'acteur Sam Worthington vivait dans sa voiture? C'est vrai, il était déjà un acteur. Lui, faisait des voix? C'est, je crois, le modèle masculin. C'est le gars qui a servi de modèle pour les gens bleus, là. Je crois. Ah oh ouais, pour les avatars? Ouais, je crois. Mais je pourrais pas te garantir, mais si tu cherches sur IMDb, Sam Worthington, tu vas voir sa photo. Il était déjà acteur en Australie à ce moment-là, mais Worthington vivait dans sa voiture avant de rencontrer James Cameron et réussir à avoir le rôle d'avatar, évidemment. Worthington a aussi travaillé dans le passé comme personne qui s'occupe de mettre des briques là, sur une maison, tu sais. On appelle ça un bric à brac, c'est ça. Un bric là. Tout à fait. Donc, quand même un passé inhabituel pour un des acteurs qui a le plus de succès de tous les temps. En tout cas, dans un film qui a du succès. L'acteur, on sait jamais, hein, sa carrière pourrait faire patate après ça. On ne saura peut-être que dans quelques années. Tu connais Dragon Ball Z? Ouais. La série dessins animés de livres. La célèbre réplique Over 9000, est-ce que tu la connaissais? Non. Au-dessus de 9000. J'ai aucune idée comment ils disent en français. Mais au début, c'était supposé être Over 8000. Et en fait, ce l'est dans les livres japonais et américains. Même la traduction américaine ou anglophone du livre disent It's Over 8000. Mais la réplique Over 9000, que tout le monde connaît, en tout cas dans le cercle des traductions de dessins animés en tant que tel, c'est la façon que le personnage bougeait sa bouche dans le dessin animé qui faisait que ça avait l'air de 9000 en anglais. Donc, ils l'ont changé pour 9000. Mais ça, moi, les affaires de même, de changer les affaires parce que ça fait mieux avec les lèvres dans les traductions de films ou de séries télé, ça a des répercussions sur le reste de l'histoire. Puis je trouve que c'est pas bon, ça. Dans des séries télé, ils vont changer le nom de famille de quelqu'un parce que ça fait mieux. Puis là, soudainement, plusieurs saisons plus tard, ils continuent de s'appeler comme ça. Puis là, ben, on voit partout décrit son nom de famille en anglais, en arrière. Ouais, ça arrive souvent, ça. C'est ridicule. Oh, ouais. Vraiment ridicule. Ouais, je t'en craque. J'aime vraiment pas ça. À la place de faire fêter les lèvres, j'aime mieux qu'on me donne le vrai contenu. Au pire. T'sais. Donnez-moi le vrai contenu. Ben, c'est logique, il me semble. Oh non, tout à fait. Ah, quelques derniers très, très en rafale. Ils cherchaient un homme, un look sage. Les créateurs de Star Wars ont choisi de modeler la face de Yoda d'après celle de Albert Einstein. Savais-tu ça? Non. La face de Yoda basée sur Albert Einstein. Pour qu'elle ait l'air sage. C'est réussi quand même. Bon, oh, ouais. Ouais. Et un t-shirt mouillé, d'accord, rempli de Jell-O. A été utilisé pour créer le son de E.T. en train de marcher. Un t-shirt rempli de Jell-O. A flocka flocka flocka, a flocka flocka flocka. C'est bien bizarre. Et c'est E.T. Hey, ils ont des drôles d'idées des fois. Eh oui. Eh boy. Je sais pas si en français c'était aussi un t-shirt mouillé du Jell-O. Peut-être qu'ils ont changé ça, puis là ça a changé l'histoire du film. En français, je sais pas. Je peux pas te dire. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça, c'était un fait, t'sais. Style comme style, genre? Ben qu'un. Ça t'a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur, non? Pour vrai, c'était intéressant. Fait préféré? Ouais. T'aurais oublié le nom, là, le coyote, là, qui attrape... Le coyote, ben oui, ouais, qui attrape Roadrunner, Wile E. Coyote. Tout tout à fait. Ça fait. Non, moi je l'ai jamais vu. J'aimerais ça le voir et puis voir ce qu'il fait avec. Ah ah ah! Il est sûrement sur YouTube en fait cet épisode-là. Oui, j'imagine. Ben oui. On va aller voir. On va aller voir ça. Puis s'il est, ben je vous le mettrai sur assemblagerequis.com juste pour vous autres. Oh, t'es bien fin, Mathieu. Ben oui. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées et c'est par le fait même la fin de notre première heure. On va se retrouver tout à l'heure avec une deuxième heure et la présence de Stéphanie Gagné pour sa chronique Take Me Out sur les sorties spectacles. Take me out to the ball game. Yeah, t'as pas chiolé en plus. Non, mais on va y chanter dans la face tantôt. On, okay. On va voir ce qu'elle va dire. On va faire une nouvelle version de sa chanson thème de chronique. Mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus et puis on revient. Restez avec nous. C'est fou ça, 89.1. Assemblage Requis est une présentation de la Banque Nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 22 novembre 2010. Oui, c'est François-Olivier Marchand. Oui, c'est Mathieu Plante. Et dans quelques minutes à peine, on va recevoir notre très bonne amie Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, pour parler du plus récent numéro. Alors, restez avec nous. Mais pour l'instant, on écoute un remix d'une pièce de Our Book and the Authors, c'est Kids, au 89.1. J'ai trouvé la vidéo de Coyote là, qui attrape Roadrunner. Yes, sir. Tu mets ça sur Assemblage Requis? C'est fait déjà. Yeah, formidable. Dans ces voir ça tantôt. Ben oui, c'est un fait. sur assemblagerequis.com. Bon, OK, donc assez niaisage. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va recevoir... C'était quoi ce bruit-là que tu viens de faire avec ta... C'est pour moi. C'est quoi? C'est pour moi. C'était quoi? C'est pas moi. C'est le coyote? C'est le coyote? C'est le coyote? Coyote en vie. Audrey Tremblay, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Bonjour Audrey. Bon matin. Bon matin, bon matin. C'est un beau journal, le Zone Campus. Le Zone Campus. C'est un très beau journal. En fait, il est vert plus que jaune. Tout à fait. Ouais. Vert? Ben, le logo. Ah oui, OK. Non, la teinte de l'image de la une est parfaite. Le logo oui. Et le papier aussi est vert dans le sens que c'est certifié FSC, donc les forêts de sources contrôlées. Tu vois, c'est un bon point, ça. On est rendu nature pas mal. On est graineau. Pas le choix, ben. On aime ça. 2010. C'est graineau 2010. Et voilà. Vous avez tout dit? On a tout dit. Hey, merci, Audrey. Bye. À la prochaine. OK, à lundi prochain. Donc, sur la une, disons le campus, dans ce numéro-ci, qui est du 15 au 28 novembre, on parle d'une compétition de natation. Ça a été un franc succès, ça. Exactement. La compétition de natation du QTR est toujours un succès. Beaucoup de monde, on peut voir. Ouais. C'est surprenant, oui. Une compétition de natation qui a autant de monde, mais c'est un franc succès. Puis à chaque année, on essaie d'innover, puis... Ça fonctionne? Exactement. Ça, c'est rare, mais c'est une en sport. Oui. On commence quand même par les actualités en ouvrant le journal. Effectivement, on va parler dans les actualités du journal qui est présentement sur les tablettes, des journées portes ouvertes de l'UQTR qui ont été un succès, qui ont beaucoup de monde ont passé durant cette journée, qui en ont profité aussi pour annoncer un nouveau portail, des nouvelles technologies... Les conférences de presse qui sont faites durant cette journée-là. On parle du lancement Savoir-Affaire Mauricie, de Opération Nez Rouge, qui a lancé sa saison 2010 avec comme porte-parole les Têtes à claque. Ben oui, on ramène les Têtes à claque, toi, dans le grand public, même si apparemment qu'ils sont encore populaires, qu'on m'a dit. Ah ouais, pour vrai? En tant que tel, les dessins animés et tout. Ah ouais, j'ai de la misère à croire ça. Opération Nez Rouge qui a besoin de beaucoup de bénévoles aussi. Hein. Exactement, j'ai reçu un communiqué de presse cette semaine qui me disait qu'il était en grosse période de recrutement parce que ça va commencer bientôt quand même, Opération Nez Rouge. Que si ça vous intéresse de... D'offrir vos services. Exactement, vous pouvez visiter le site d'Opération Nez Rouge. Ça, au moins une fois dans ma vie, je vais essayer ça, je pense. Ouais. C'est vraiment très... Ouais. C'est très drôle. Ouais, ça doit. C'est très, très drôle, ouais. Les gens sont sympathiques, ça fait une belle soirée entre amis. Tu dois avoir des croustillants, des moments croustillants dans le sens où le monsieur ne se rappelle plus où ce qu'il reste. Ouais. Faut que tu regardes dans son portefeuille. C'est toujours une histoire de voiture aussi, des voitures qui fonctionnent plus ou moins bien, ou une voiture de l'année. Ça fait toujours des moments assez croustillants. Ouais, ouais. En tant que serveuse, disons-le, t'es serveuse aussi, oui. Dans la vie, oui. Est-ce que t'as déjà eu à enlever les clés de quelqu'un puis lui forcer un petit peu à prendre... En fait, c'est pas ma job de lui enlever ses clés, mais c'est arrivé qu'on a arrêté de servir des gens parce qu'ils étaient trop sous. Okay. Puis à ce moment-là, on fait appel à quelqu'un d'autre pour enlever les clés. OK. Ah ouais, genre un garde. Un doorman, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben. Mais la personne doit être vraiment très heureuse hein, de se faire dire non, tu ne bois plus et puis... pas toujours. ça doit pas. Un peu comme dire à quelqu'un, tu ne dois pas fumer à côté de la chasse-galerie, il faut que tu ailles sous l'abri d'autobus. Oui. Ouais, pour vrai, non, tu peux plus sur la terrasse. Si. Ça va, non, l'hiver. On en parle justement dans les actualités du Zone Campus. C'est mon lien, tu vois. Oui, de l'abribus pour les fumeurs, oui. Qui est apparu comme ça, poussé comme un champignon dans l'espace vert. Puis il n'y a pas d'autobus qui passe devant. C'est vraiment ça a l'air de ça, mais c'est pour aller fumer avec deux petites poubelles. Et puis pour l'instant, moi, j'ai vu personne dedans, mais j'ai vu beaucoup de gens juste à côté ici devant, là, nous. Autour. Autour, mais j'ai vu des gens qui étaient mouillés. Ah oui, ça c'est quand il pleuvait, en fait, j'ai vu des gens là, mais sinon, moi non plus, j'ai pas vu. Mais c'est très, très fermé. C'est un espace très, très restreint. Mais est-ce que c'est chauffé? Je crois pas. Non. Donc, non. L'hiver, je sais pas. Là. Et puis, Dieu sait que ça doit puer là-dedans. Est-ce que quelqu'un va faire un chemin pour que les fumeurs se rendent là? Très, très bon point, parce qu'il est vraiment en plein milieu d'un gazon, donc normalement, il y aurait de la neige pas mal là. Oui. Ah, ça me fait penser aux abris, aux nouveaux abris d'autobus, vraiment d'autobus là, à Montréal que la STM fabrique. Ils sont super beaux, mais ils sont pas chauffés. Et puis, il y a des petits poteaux où il y a les numéros des autobus qui passent là, qui sont affichés. Et puis, le monde, ils ont fait un test. Ils ont installé comme 3 ou 4 là, genre de nouveaux abribus super jolis, technologiques, full 2010. Là. Et puis, tout le monde va juste au poteau, puis ils vont pas du tout dans l'abribus. Ça, c'est pour attendre l'autobus. Là. Ça cause ici. Ça... Mais quand ils mouillent, les gens sont en dedans. J'imagine. Le but est là aussi. Ben, de les protéger. On verra avec le temps si les gens vont attendre l'autobus-là. Bon, on parle également dans les actualités des PICOM, qui est un projet de d'intervention communautaire. Mm-hmm. Très, très le fun, ça, les PICOM. Oui. Très, très cool pour vrai. Là, pour les organismes, là, ça vaut la peine, je pense. Mm-hmm. Faire appel aux étudiants. C'est un beau projet aussi de... Mon projet d'études. Oh non, tout à fait, tout à fait. Qu'on met en application dans des vrais, dans des vraies problématiques. Puis, ça, c'est... Effectivement. Dans ton éditorial, tu parles du dégel des frais de scolarité. Ça cause des opinions, ça les gens se battent. Oui, bien, en fait, je mets en relation le dégel des frais de scolarité et la surconsommation des étudiants, de la population en général. Mm-hmm. Mais oui, mais j'assume complètement qu'est-ce que je pense et je vous invite à le lire. Ben oui, ça va peut-être vous faire réfléchir. Tout à fait. Et si les gens ne sont pas d'accord avec toi, ben, ils ont toujours une adresse où te contacter pour t'envoyer des textes d'opinion et pour publication ultérieure. Exactement. Voilà. On parle du bateau laboratoire Lamsilis de l'UQTR, 5 ans déjà. Oui. De recherche. On parle aussi du comité d'intégration internationale universitaire. On va parler du Salon des vins et des Patriotes, une 19e édition qui était vraiment superbe. Les ajustements qui ont été apportés de l'année passée. On me disait qu'il y avait un petit peu moins de monde que l'année passée, mais les ajustements qui ont été apportés ont fait que c'était une édition vraiment superbe. On parle aussi de l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage, où l'UQTR va développer une expertise importante. Mm-hmm. Dans Société, dans les confessions de Sophia, on va parler de la qualité des propos tenus à la télé. Ouais, c'est plus celui-là moi, qui me cause un petit peu de... Non, j'aime pas ça. Elle parle contre un gars le soir. Je suis un fan d'un gars le soir. Elle dit que c'est de la... Mais tu sais que tu peux réagir à Sophia dans une lettre ouverte pour publication. Je ne peux pas publier dans le journal, c'est ça l'affaire. Il y a le fantasque avec un autre superbe dessin d'Hubert Sanson, étudiant en histoire à l'UQTR. Lui, il a du talent. Oui. On aime ça. Oui. Dans la section vie étudiante, quelques petites activités à venir, dont la luître. Oui, luître qui est tous les lundis... tous les lundis de chaque semaine, oui. À 19h30 à la Chasse-Galerie. Sauf les semaines où il y a deux lundis. Ouais, il y aura exactement. Deux matchs. Puis le 29 novembre, ils ont un match spécial qui risque d'être fort intéressant. Je ne sais pas encore quelle équipe va être là, mais si ça ressemble un petit peu au match qu'il y a eu contre le Kick de l'Université Laval, ça devrait être très bon. Mm-hmm. Une activité qui a lieu aujourd'hui, et là, il faut en parler, hein, parce que c'est justement une des nouvelles dans la vie étudiante. Aujourd'hui, le 22 novembre, vous pouvez rencontrer Amir Kadir de Québec solidaire, député de Mercier au Café Bistrot à la Chasse-Galerie. Ça se passe de 11h30 à 12h30, tout à l'heure, dans les prochaines heures. C'est l'AGE qui invite la communauté à participer à Tribune Libre, un nouveau rendez-vous qui vise à vous permettre d'échanger de façon ouverte avec des élus régionaux et nationaux, ainsi qu'avec d'anciens politiciens. Donc, 11h30, tout à l'heure, Chasse-Galerie. Amir Kadir. Oui, ça risque d'être fort intéressant. C'est ça qu'à dire. question, c'est douteux. Hein? Question Vox Pop, encore. Êtes-vous déjà allé à la galerie d'art de l'UQTR? J'aime ça. En art et spectacle, on va parler des nouvelles expositions qu'il y a au centre Raymond Lanier. Une nouvelle exposition au corridor qui a une image en couleur qui est très, très belle. Je vous invite à regarder. Oui, tout à fait. Les pages couleurs, on s'en sert bien dans le journal, là, je trouve. Oui. Il faut utiliser cet espace-là correctement. À bon escient. Ouais. Ah, bien. J'avais goût de dire ça. T'avais hâte de placer un mot, ouais. François-Olivier. Hein? Escient, hein? J'ai pas l'air d'un chaudron. Du tout. Si on continue, on parle du match de la lutte versus le kick. Oui, dont tu parlais il y a 2 secondes à peine. Oui. Le spectacle de Damien Robitaille. Du bonbon pour les oreilles. Je crois que la journaliste Mélissa Beaupré a adoré le spectacle de Damien Robitaille. Il a de l'air sympathique, il a de l'air drôle, lui. Il a de l'air vraiment... Là, quand tu vois dans son regard, là, il y a de quoi qui se passe ou il y a de quoi qui se passe pas. Là, mais c'est... OK. <ouais. rire> Bon, revenons à nos moutons. Oui. On parle aussi du la foire du présent responsable, qui est un nouvel événement au centre du Québec. Du spectacle de Bobby Bazini qui a fait Sold Out au Cégep de Trois-Rivières, qui a des supplémentaires même qui ont déjà été. Tu l'aimes pas. Qu'est-ce que t'as contre Bobby Baz? Il n'y a rien qui se passe quand je la regarde dans les yeux. Il est trop jeune. Quand je cure, il est trop jeune. Il a 19 ou 20 ans. Il est vraiment pas vieux. C'est un petit jeune. François, ouais, lui, c'est des. Avec une voix mature, par exemple. Avec une voix mature. Hey, arrête-moi ça. Milk. Moi, je l'aime bien. Hein. Je l'ai vu en spectacle et je le trouve très bon. Ouais. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Non, du tout. Sport maintenant. Oui. Sports. Ouais, t'as dit sport, mais d'habitude, c'est sports. Hein? Ah, excuse-moi, il faut que je dise sporting news. C'est mieux. Et voilà, on va parler des deux fins de saison de l'équipe de soccer féminine et masculine. La compétition de natation, justement, qui était en une. La nuit sportive 2010. Mmh. Vos jeux sont toujours là aussi. Toujours plein de jeux. Mots croisés, entre autres. Effectivement. On parle de la partie, une partie de hockey bénéfice qui va avoir lieu au Colisée de Trois-Rivières, qui va être contre les anciens Canadiens versus les draveurs, les anciens draveurs, le 28 novembre. C'est cette semaine. Mmh. Et au hockey, on parle des matchs de hockey qui ont eu lieu dans les dernières semaines. On des Patriotes. Toujours au courant de tout ça dans Zone Campus, on vous tient à jour. Ça, c'est le numéro du 15 au 28 novembre. Quoi? Non, vas-y. Non, c'est parce qu'on tient à jour, mais c'est l'apparition quand même de la semaine dernière. Ouais, je sais. Ben, c'est pour ça, c'est un petit peu de l'ironie, comme dans un journal, c'est très, très à jour. Donc, 15 au 28 novembre 2010. Mais non, c'est ça. Il va y avoir un autre numéro. On s'en va la semaine prochaine te retrouver pour le numéro le plus récent, parce que d'habitude, t'es une semaine sur deux. Petit empêchement la semaine passée, et là, t'es là maintenant. Exactement. Juste pour te renseigner, t'es ici en ce moment. Oui, ah, ok, bureau, merci. Dans le studio, c'est fou. Okay. Et la semaine prochaine, le numéro du 29 novembre sortira avec peut-être une autre une. Oui. Espérons-le. On arrive à changer la une à chaque journal. C'est bien. C'est super. Merci Audrey Tremblay. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Bonne journée. Audrey Tremblay, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Allez voir le zonecampus.ca pour lire tous les numéros d'archives sur les différents internets. Prenez un internet par numéro. Vous allez pouvoir tous les ouvrir en même temps. C'est rendu de même de nos jours. Prenez un internet par numéro. C'est ça. C'est pas bête. C'est pas bête, hein? J'y avais pas pensé, mais... Ben là, il y a des sites internet qui ferment le soir puis qui sont juste ouverts entre telle heure et telle heure. Pour vrai, là. Hein? Le site du chômage, là. Tu peux pas remplir ta demande entre telle heure et telle heure. Ben, je te jure. Ah, c'est rendu de même. Fait que s'il y a des heures d'ouverture, il peut aussi y avoir différents... Ça veut dire que tu peux pas remplir, exemple, ta demande à 10h le soir. Quelque chose du genre, là. Je pourrais pas te confirmer les heures. C'est niaiseux, C'est leurs ordinateurs, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font-tu de la maintenance, des copies de sauvegarde de leurs affaires? C'est peut-être, c'est peut-être une question de sécurité, je sais pas. Là. Peut-être. En tout cas, à première vue, comme ça, ça a l'air vraiment niaiseux. Peut-être que leurs employés sont pas là pour vérifier si quelqu'un vient les hacker. Ça pourrait être ça. Peut-être. Peut-être. Ben, tu sais, ici, à l'université, on a le problème que l'internet ne marche pas une fois sur deux. Fait que peut-être que ça a rapport avec ça aussi. Burn! Burn! Burn, burn, burn. C'était une insulte. OK, donne-moi ça. Gaslight Anthem pour s'en entendre. Ouais, bring it on. Bring it on. Ah, ouais, donc. Ouais, donc. Bon, allez voir si l'internet marche pendant ce temps-là, parce que peut-être qu'ils vont me l'enlever maintenant que j'ai dit ça. Oups. Bon, en tout cas, je te l'enlèverai. Ouais, j'avoue que je le mérite plus bien. Façon, question informatique, hein, Mathieu. Toute plante ces temps-ci. Ah, moi, je touche à quelque chose et bzzz, coup de circuit là-dedans. Coup de circuit? Cœur-circuit, je pense. Cœur-circuit? Oui, je choisis le bon circuit. Blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy. Thinking that you may want to leave. So give me. And keep- qui est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Pour mieux respirer, j'ai claqué la porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Quand je te croise, ton regard prend est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oh, je suis presque bien. Sain et sauf sous mes draps, j'aimerais accoupler ta faim au goût de mon ananas. Jésus Bench 400 livres avec la pièce Anana à Assemblage Requis. Ça, j'aime ça. Les ananas. Puis Jésus Bench 400 livres, évidemment. Les ananas aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jouer. Ben, en fait, du début de la session, je pense qu'on n'a pas fait de jouer. Non. Jésus Bench. C'est très bon. Danny Janvier qui joue dans ce groupe-là, d'ailleurs. Oui. Avec. Il y a. Non, en fait. Frédéric Lévesque Saint-Don, Nicolas de Fonsic, Anthony Aoué. Et puis l'autre, la petite bonhomme, la petite capitaine Matelot. Petit Matelot. Petit Matelot. Le gars. L'autre gars. L'autre gars qu'on aime aussi, on l'adore, là, mais je ne me rappelle pas de son nom en ce moment. Donc, Jésus Belge 400 livres. Ah, c'est fou. 89 FM. François Olivier. Tu m'as stressé, je me rappelais pas de son nom, puis ça me dérange, ouais. Je ne veux pas le savoir. Savais-tu que Stéphanie Gagné vient nous voir une fois par semaine, les lundis? Ben, elle vient deux fois par semaine, mais en fait, elle vient trois fois par semaine avec les palmarès. Mettons qu'elle vient comme quatre fois par semaine avec les pains-bêches. Mais elle dit, mettons qu'elle est tout le temps là. Mettons qu'elle vient pratiquement une fois par jour. C'est ça. Mais le lundi, c'est les spectacles, puis là, ben, c'est le moment de l'amener, puis toi, ben, t'aimes bien lui chanter sa petite chanson, fait qu'on va la chanter ensemble. OK, parfait. OK, okay. Attention, attends, on va juste. On vocalise un peu. Oh. Okay. OK, je prends. OK. 1, 2, 3, 4. Take me out to the ball game. Take me out to the. Moi non plus, je sais pas. Bring me some peanuts and cracker jacks. Never get back. Back. Back, je pense que c'est fini par back. Hein? Stéphanie, t'es contente? Non, elle n'est pas contente. Non. On va remettre sa vraie chanson. Ouais. Ouais. Take me out! Take me out to the ball! Ah, je viens de penser à ça. Oui. Je pense, d'après moi, je suis capable de trouver ça sur YouTube. Quelqu'un qui chante. Là. Mieux que nous autres, tu penses? Ouais, ouais, ouais. Il y avait, c'était qui? C'était Roseanne Barr qui avait chanté l'hymne national. Par exemple, elle, c'était l'hymne national, puis elle avait fait une folle d'elle, puis là, ça l'a suivi pendant des années et des années et des années. J'espère que nous, ce sera pas comme ça. Saviez-vous que j'aimais vraiment pas le baseball en plus? Ah, oh ouais, pour vrai, t'es pas une fan. T'avais juste à choisir un autre nom de chronique. Ouais, je peux pas rien faire, moi. Elle m'arrive à Take Me Out, mais j'aime pas Take Me Out, Franz Ferdinand, pas Take Me Out to the Ball Game. Mais en plus, il parle de Cracker Jack, du popcorn dans cette chanson-là. Ouais. C'est bon, ça? Ouais. C'est bon, tu fais que tu parleras pas contre mon Cracker Jack, là? Non, mais contre le baseball, oui. Bon. Donc, Stéphanie, sortie spectacle de la semaine en région ou ailleurs. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? François est offusqué par tes commentaires. Ben, je m'excuse. J'aime juste le hockey. Mais le football, c'est mieux que le baseball. Ouais. Le football, c'est bon. Le hockey, c'est plaisant. Le Canadien, il va bien cette année. C'est pas beau. Mais le baseball, j'en ai déjà vu live, là, puis c'est plate. C'est Non. Je m'excuse. À la télévision, c'est très long. Écouter le baseball, mais quand t'es sur place, ça passe. Pour vrai, c'est. Mais non, j'ai vu une game, puis c'était. Varlor. Hey, sac. C'était quoi? Varlor. Varlor. On dirait que tu dis Varda, mais au ralenti. Donc, bref, chronique de spectacle de la semaine est longue de baseball. Non, j'ai pas commencé. Bonsoir, un avertissement. One, two, three strikes, you're out. Un troisième avertissement, t'es dehors. game, il y a ces paroles-là dans le chant. On va aller me coucher. Hey, mais j'ai trouvé les lyrics. Bref, ouais, bref. C'est rarement bref à Assemblage Requis, je trouve. Ouais, c'est Nos déraillements. Donc, demain, le 23, il va y avoir Tame Impala qui va être à la Sala Rossa. Et en même temps, ça, je savais même pas avoir su. On aurait demandé une entrevue, même si Mathieu aime pas ça. Jérôme Minière qui va être au Gambrinus. J'aime pas ça. Ah. Non, mais Jérôme Minière a été reçu par Danny Janvier très récemment, donc c'est correct. Fait que c'est ça. Jérôme Minière, Gambrinus, très cool. Jeudi, il y a beaucoup de spectacles. Il va y avoir Katie Tunstall au Club Soda, Alexandre Désir au Cabaret juste pour rire, Vincent Vallière à l'Impérial, Winter Gloves au Cercle du côté de Québec. Et à Trois-Rivières, il va y avoir Jimmy Hunt qui va être au Zenob au centre-ville. Ensuite de ça, vendredi, il va y avoir A$AP Isaac au Cabaret juste pour rire. Et samedi, Yann Perrault qui va être du côté du Métropolis. Et là, j'ai fini, François. Déjà? Oui. J'ai même pas eu le temps de trouver les paroles exactes. Oh, Caroline. C'est là, tellement pas dur en plus à trouver. Hein. C'est là. Sûr, tu peux trouver ça. J'ai trouvé les paroles de Trois Petits Chats l'autre jour. Même si c'était pas les bonnes. Là. Take me out to the ball game. Take me out with the crown. Buy some peanuts and cracker, Jack. Je l'avais dit qu'il y a des don't care if I never get back. Ben oui. Tu l'autres aussi? Ben oui. Let me root for the home team. Ouais. Là, j'ai pas l'air, là, mais... If they don't win, it's a shame. T'as ouais, it's a shame. C'est dur, hein? It's a shame, quand même, hein? Les Américains. Les maudits Américains. Mais s'ils gagnent pas... Ça n'a pas de sens. Mais c'est le fun qu'il aille instaurer ça, une tradition comme ça. La chanson, là? Ben, ouais, la chanson. Oh, ouais. Non, mais c'est le fun, je trouve ça le fun. Ouais. C'est un petit peu mieux qu'un ohé, ohé, ohé, ohé. Qui est tellement pas original et que tout le monde chante partout. C'est fatiguant, ça. Non, tu veux pas te prononcer, hein? Ben, j'aimais bien ohé, ohé aussi. Là. Okay. Ouais, mais il y a une maudite différence. Cherche les paroles de ohé, ohé. Tu sais, tout le monde chante ça, même dans les spectacles, tu vois, dans un show, puis là, le monde demande pour un rappel, puis ils chantent ça. Ouais, mais ça, je pense que c'est typiquement, en tout cas, je peux me tromper, là, mais de Québec, voire même du Canada, là, mais je pense qu'aux États-Unis, je pense pas qu'ils créent vraiment « ouais ». Non, c'est très, très local. Québécois et peut-être même canadien. Donc, mais ça, à ce niveau-là, moi, ça me dérange pas, mais c'est vraiment des petites traditions que je trouve... Mais ça aurait été le fun d'avoir une belle chanson comme ça pour le hockey. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Entre la deuxième et la troisième. De quoi de solennel, de quoi que les gens se donnent à cœur. Puis pas l'hymne du Canada, nécessairement. Non, c'est sûr. Pas référence à aucun pays. Non. Au sport, tout simplement. Oui. Parce que c'est un jeu. Ah ouais? C'est un jeu, le hockey. Il y a des gens qui savent pas ça encore. Ouais, on le prend un petit peu plus au sérieux qu'un jeu au Québec. C'est ça, ouais. C'est plus une religion qu'un jeu. Une secte. Mais je peux comprendre, au prix qu'ils sont payés, je pense qu'on peut exiger un peu plus qu'il y ait du plaisir sur la glace. En effet. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Merci, Stéphanie. Gagné. On te retrouve demain mardi à 7h30 pour ta chronique Ton plat favori. Tu vas nous présenter un autre de tes coups de cœur artistiques ou culturels que tu trouveras d'ici là. Oui, parce que je ne l'ai pas trouvé encore. Ben non. Et jeudi, au Palmarès, c'est fou et dans une pebèche en mission. Et sois prudent sur la route. Bah, toujours. Tu retournes te coucher? Non? Ah, je sais pas. Hier, j'ai fait une sieste de 6 heures. Cette nuit, j'ai dormi un bon 7 heures. C'est pas une sieste. On appelle plus ça une sieste à ce moment-là. Fait que je sais pas si je vais avoir assez de fatigue en moi pour aller me recoucher. Ben, bonne journée alors. Merci. À vous aussi. François-Olivier Marchand. Mathieu Tousignan-Plante. Je viens de me rappeler qu'elle nous a laissé une pièce à écouter dans sa chronique. C'est donc, vrai. On va écouter ça. Les pieds et les mains de Jérôme Minière, qu'on adore ici et puis que vous adorez aussi parce que c'est dans le palmarès francophone de C'est fou. Hein? C'est, ça va ensemble, ça? Vous êtes assemblage requis. Quand nous aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour où de la planète. Il ne restera plus que nos têtes qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. avaler, tout consommer, tout consumer. Nous devrions nous réveiller de ce rêve malsain qui nous tient. Il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. Quand nous aurons tout avalé, bien sûr il sera trop tard pour faire des pieds et des mains, des grimaces sans beauté. Il ne restera que nos corps. Commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. Preservation. Reservation de Winter Sleep, une nouvelle entrée en 17e position du palmarès anglophone de ces fous à Assemblage Requis. Tout à fait. Hey Mathieu, on reçoit présentement Dave Morgan des Lundis de l'humour, présenté au Manchester. Salut Dave. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, très bien. Merci. Donc, première fois cette semaine, on va te recevoir comme ça à tous les lundis. Ouais. Et tu vas nous présenter, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer le soir même au Manchester, dans le cadre des Lundis de l'humour. Donc... En plein ça, mais les Lundis de l'humour, c'est ça. Ça fait déjà 2 ans que ça existe. Ça marche 7$ à l'entrée. Commence à 8h30. Écoute, on a des artistes à relève chaque semaine, des headlines, tout ça. Cette semaine, on a un show avec... le show 3X qui a eu lieu au ZooFest, dans le cadre du Festival Juste pour rire. OK. Puis, on va avoir ça. Ça va être les gars de Mike Baudouin qui a su le show. Il y a aussi Seb Ouellette, Dom Deschênes et Mélanie Couture. OK. Ça va être un bon show, assez crunchy qu'on va avoir là. Ce sera pas des textes très, très engagés, très, très politiques, mais... cool, là, ça va être un bon show, ça fait décrocher, on a du plaisir en masse. Là. Non, c'est ça, exactement, ça fait du bien de temps en temps aussi, là, juste se laisser aller, je pense. Exactement, seulement 7$ en plus de ça, puis en plus, on a un petit concours pour les 3 prochaines semaines, toutes les gens qui arrivent avant 8h30 au Manchester pour le show sont éligibles pour un tirage, un saut en parachute, gracieuseté, adrénaline, qui va avoir lieu en 3 semaines, en 3 lundis. Ah, crime, c'est très cool ça, par exemple. Ben oui, c'est très, très, très apprécié de la part d'Adrénaline. On les remercie beaucoup, d'ailleurs. Merci à eux autres. Merveilleux. Donc, écoute, on fait un petit récapitulatif. Ouais. Merci, Mathieu. Oui, exactement. En fait, avec tes artistes, tu veux-tu nous le répéter? Ben, il y avait Dom Deschênes, okay. Mike Baudouin, qui est déjà venu à quelques reprises, là, qui est adoré tout le monde. Seb Ouellette aussi, qui c'est un de nos chroniqueurs qui est là régulièrement. Il y a aussi Dom Deschênes et Mélanie Couture. Parfait. Et la soirée est encore animée par... Animée par Mathieu Cirque. C'est ça. Il ne faut pas oublier. Tout à fait. Comme à toutes les semaines, Mathieu Cirque anime ça avec brio. Oui. Mathieu Cirque est adoré de tout le monde. On l'aime fort. Bon, parle-nous de ça. Écoute, merveilleux. Nous autres, on va se reparler lundi prochain. Ben oui, puis j'invite tout le monde. N'oubliez pas seulement 7$. Là, ça va avoir du gros plaisir. C'est ça, ça vaut la peine. Et puis, on arrive de bonne heure si on veut avoir la chance de gagner un saut en parachute. En plein ça. Donc, au Manchester. Ouais, au Manchester Pool Pub. Cool. Donc, c'est Papineau, si je ne me trompe pas. C'est ça, Papineau. Papineau et Derrick Collet. En plein ça. Exact. Donc, hey, merci. Un gros match, c'est fort. Cool. Ben, merci, Dave. Puis, écoute, on se revoit lundi prochain. Ben, merci à vous, les gars. C'est très gentil. Yes. Bonne journée. À lundi prochain, boys. Salut. Dave Morgan, des Lundis de l'humour au Manchester. On le remercie. On le retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Et puis, nous, on va l'entendre Final Flash. Oui. Hein, parce que ça serait quoi une semaine sans Final Flash? Ça serait plate, hein? on dirait que c'était sarcastique. Moi, non, mais j'aime ça. C'est bien. Final Flash. J'aime ça. On est un petit peu obsédé, là, mais bon. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait jouer, par contre. C'est vrai. La pièce des Awakenings sur... La dernière fois que j'en ai entendu, c'est dans l'émission des Palmarès. Jeudi dernier? Oui, tout à fait. Wow, ben ouais, parce que la pièce des Awakenings est dans le Palmarès. Est-ce que c'est celle que tu veux entendre ou t'as choisi une autre? Écoute, j'irai peut-être... je retournerai peut-être à la 5e Welcome to the House on Fire. Le bon vieux classique. Juste parce qu'il y en a un jeu aujourd'hui. Ah, calme. On écoute ça à Assemblage Requis, puis on revient avec le mot de la fin. Reste avec nous. Ah, c'est fou. 89 ans, en fait. Welcome to the House on Fire par Final Flash. Bam dans ta face. Rien. Bada boom, bada bing. Ça, c'était la version asiatique. Très bonne version d'ailleurs, que je vous suggère d'aller télécharger. C'est ça. Si vous la trouvez. Dans les débris. C'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se quitte encore une fois. On va se retrouver demain matin à partir de 7h. Qu'est-ce qu'il y a sur nos ondes plus tard aujourd'hui? Évidemment, le dîner de con va être là à 11h avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Plus tard, il y a 6 degrés, on rappelle, à 15h. Les Betteraves Hurlantes vont être là à 16h, comme toujours, avec leur humour et leur légumineuse. La Voix est libre avec Jade Lemay-Gauthier et Sophia Tourigny. Ça commence à 18h. Le Voyage de Solide de Frédéric Durand est à 19h. Et Où c'est blanc, Où c'est noir avec du rap commence à 20h. Ça, c'est l'Ace the Crew qui aime ça. L'Ace the Crew. The Crew. Demain matin, qu'est-ce qu'il y a entre 7h et 9h dans notre émission, François-Olivier? Ce matin, on reçoit Maxime Lemieux-Larmier avec sa chronique qu'on télécharge quoi. Il y aura aussi Stéphanie Gagné qu'on a vu tantôt. Avec ton plat favori. C'est ça, exactement. Ouais. Mais là, qui chante un peu moins bien que Take Me Out to the Ball. Un petit peu moins. Mardi aussi, Émilie Gauthier, qui vient nous parler en fait des sorties, activités plein air dans le coin ou pas tellement dans le coin. Dépendant des semaines. C'est ça, exactement. Et puis, c'est ça, en fait. C'est pas mal ça pour demain. Ça va être une bonne émission entre 7h et 9h. Passe une très belle journée, François-Olivier. À vous aussi, Mathieu Plante. Merci. Puis vous aussi, les requins, OK? Fait qu'à un moment donné, moi, si je vous dis de passer une belle journée, vous devez suivre mes ordres. Bye. Take me out to the ball game. Take me out to the moon. J'ai plus les paroles, t'as vu? Tu m'as pris par derrière, Mathieu. Comme toujours. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.